J'ai dit la radio SV, c'est une radio qui va plus loin, à la recherche des témoignages et qui fait ce que les autres ne font pas. RSV, radio souffle de vie. Instruments, pianiste, batteur, violoniste, trompettiste, bassiste, tous les instruments et dans tous les styles vous sont offerts dans cette émission Entre deux notes. Laissez-vous entraîner dans l'univers musical de ces artistes exceptionnels. Je vous laisse apprécier le bonheur d'être entre deux notes. Connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit à tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté n'en profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Thank you. Les pages de la Bible. Une émission présentée par Claude Pariset. Les pages de la Bible. Une émission qui vous aide à tourner les pages de la Bible pour mieux la comprendre. Les pages de la Bible. Naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 et 18. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, a dit Jésus à Nicodème, un docteur de la loi lui aussi. Jean, chapitre 3, verset 3. Paul expliquera longuement dans ses épîtres la nécessité pour chacun de passer au plan de l'esprit par une expérience personnelle de mort et de résurrection, une expérience de régénération spirituelle. Chaque être humain vit dans une situation de rupture avec Dieu. Aucune bonté naturelle, aucune fidélité à une loi morale ou même religieuse, aucun mérite personnel ne peuvent modifier cette condition car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. À cause de cette rupture, à cause de son péché, pour reprendre le langage de la Bible, l'homme est à jamais séparé de Dieu, privé du bonheur et de la paix dans la vie à venir particulièrement. L'homme pécheur est perdu. Romains, chapitre 3, verset 23. Seule une rencontre personnelle avec le Christ vivant, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, dans Jean chapitre 1er au verset 29, et seule une réponse positive à son amour offert peuvent apporter à l'homme perdu une vie nouvelle, une dynamique nouvelle, lui ouvrir des horizons lumineux et infinis. Christ a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, dira Paul, afin que son esprit pénètre en nous et illumine notre être entier. Lire Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Chacun, à sa manière, doit vivre son chemin de Damas, sa rencontre avec le Sauveur, avec le Seigneur de sa vie. Peu importe la forme et les circonstances de cette rencontre. Tout se situe au niveau intérieur. L'expérience peut être douloureuse. Accepter de reconnaître ses erreurs, accepter de se remettre en cause, n'est jamais facile. Cela exige beaucoup d'humilité. L'expérience pourtant est toujours salutaire. Elle débouche sur une réalité absolument formidable. Un renouvellement total de la vie, de nouvelles perspectives et comme dit l'Écriture, la paix qui surpasse tout ce qu'on peut en dire. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains, chapitre 6, verset 23. Après la résurrection de Jésus, la conversion de Saul de Tarse est l'événement le plus considérable des origines chrétiennes, celui dont les conséquences ont été les plus décisives. À trois reprises, les Actes évoquent l'épisode décisif du chemin de Damas. Actes chapitre 9, au verset 1 à 19, chapitre 22, 5 à 11, et les Actes chapitre 26, 12 à 18. Les épîtres y font des allusions très claires. 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 8, Galates chapitre 1er, verset 12 à 17. Aux Corinthiens, Paul déclare « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur ?» Il a vu le Seigneur, comme les apôtres l'ont vu après la résurrection, c'est-à-dire avec ses plaies, avec son visage d'homme glorifié par la présence palpable de sa divinité. Si Paul, avec beaucoup d'humilité, ose se dire apôtre, lui le tard venu, c'est parce que Jésus s'est montré à ses yeux de chair en sa forme humaine. L'authenticité du fait s'impose à l'historien. Beaucoup de rationalistes ont tenté de ramener l'événement à une simple crise psychologique ou morale. Le remords après le meurtre d'Étienne, par exemple. Renan a écrit à ce sujet des pages éloquentes, mais sans objet. Cela ne cadre pas du tout avec le caractère de Saul, si convaincu de son bon droit. On a voulu que Saul ait subi le choc d'une insolation, voire d'une congestion ou d'un accès de fièvre pernicieuse. Tout cela n'est pas sérieux et relève d'un présupposé évident. L'épisode du chemin de Damas ne devrait permettre à la critique négative qu'une attitude, l'humilité en face de l'inexplicable, le respect des témoignages dont elle n'entamera jamais la force. Ce miracle, le changement total et subi d'une âme, dépasse d'ailleurs l'histoire de Saul de Tarse. Il domine les temps, signe authentique de l'amour d'un Dieu qui cherche inlassablement l'humanité en révolte sur les routes où elle le fuit. Tel sera plus tard le vivant message de l'apôtre. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. Comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 20. Il faut accepter les faits. Saul a vraiment rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas et toute sa vie en a été transformée. Il confessera « J'ai été empoigné par Christ ». Philippiens, chapitre 3, verset 12. Le terme grec peut se traduire aussi par « Je fus conquis ». On pense aux guerriers faits prisonniers, aux gibiers capturés à la chasse. Saul fut capturé au moment où il y pensait le moins. Il faut absolument lire dans le livre des Actes des Apôtres tout le chapitre 9, le récit de cet événement. Guidé par ces hommes, Saul fut conduit chez un certain Judas, sans doute un aubergiste dont la maison se tenait dans la rue droite de la grande rue de Damas. Solitaire, prostré, Saul demeura 3 jours aveugle dans un jeûne total. Seul son esprit veillait. Pour la première fois de sa vie, il s'adressait au Seigneur Jésus du plus profond de son cœur bouleversé. Il avait besoin de faire le point. Il avait besoin plus encore de recevoir d'en haut une nouvelle lumière. Et cette lumière lui fut donnée au bout de 3 jours de jeûne et de prière dans une vision. La vision d'un homme qu'il ne connaissait pas, qui s'appelait Ananias, et qui allait venir guérir ses yeux et le remettre en chemin. Actes, chapitre 9, verset 12. Ananias était effectivement un juif qui adhérait à la foi nouvelle et qui vivait à Damas. Un homme pieux selon la loi. Actes 22 et verset 12. À cet Ananias, le Seigneur Jésus ordonna dans une vision de se rendre auprès d'un certain Saul de Tarse qui était en prière. Ananias ne comprenait pas. Saul, cet ennemi, ce persécuteur, le Seigneur rassura son disciple. Cet homme, Saul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Alors sans hésiter, Ananias obéit. On est toujours frappé par cette extraordinaire docilité des premiers disciples à la voix du Saint-Esprit. Une telle écoute ne peut provenir que d'une grande qualité de vie intérieure et une importance toute particulière donnée à la prière. Voilà qui nous interpelle. Ananias imposa les mains à Saul qui, immédiatement, recouvra la vue. Il tomba de ses yeux comme des écailles, dit le texte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 18, comme si un voile lui était tombé de devant les yeux. Quand l'Esprit est là et agit, il se passe toujours des choses extraordinaires. Ananias reçut Saul comme un frère. Saul, à son tour, fut rempli du Saint-Esprit. Actes, chapitre 9, verset 18. Peu après, il recevait le baptême d'eau, signe de son engagement et de sa résurrection intérieure. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Il était désormais corps et âme au Seigneur. Christ est ma vie, dira-t-il plus tard. Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Il mangea et ses forces lui revinrent. Tel est le récit de Luc. Sans doute l'auteur du livre des Actes a-t-il laissé de côté de nombreuses choses que les interlocuteurs durent se dire. On aimerait retrouver toute cette conversation. L'essentiel est là cependant, pleinement suffisant pour éclairer nos propres routes. Saul devenait un homme nouveau. La grande aventure de sa vie commençait. C'était les pages de la Bible. Les pages de la Bible. Les pages de la Bible. Une émission présentée par Claude Parizé. Les pages de la Bible. Une émission qui vous aide à tourner les pages de la Bible pour mieux la comprendre. Les pages de la Bible. À la radio souffre de vie, son radio comme moi, mais un loup. Un cas dormi à veille, un cas levé à veille. Un cas m'a demandé de payer radio là, ça richement. Parce que radio là, ça a rapporté un lobité. Et souvent, ou malade, ou problème, radio là, ça a remonté. Et un cas dit, mon Dieu, merci encore grandement. Parce que c'est vraiment radio, mon Dieu, mettez-moi nous. Ne change rien au fait que j'ai besoin de toi. Prends mes soucis et mes craintes, et même les moments heureux, et construisons un lieu propice au rendez-vous. Hier, je serai là. Attends-moi, yeah. Ta grâce et ta main me suffit. À toi, Seigneur, je me confie. Je serai là. Attends-moi. Attends-moi. Dans le lieu secret. Comment ce moment est si doux, rencontrons-nous jour après jour. Permets-moi de m'adresser à ton cœur, et toi de me transformer à chaque heure. Ce lieu ne sera que, oh, quand je viendrai à toi. Viens restaurer, viens. N'attendons pas à demain. Je serai là. Attends-moi. Attends-moi. Yeah. Ta grâce et ton nom me suffit. À toi, Seigneur, je me confie. Je serai là. Attends-moi. Attends-moi. Dans le lieu secret. Dans ton cœur, je puisse. Garde-toi tous mes délices. Je serai là. Attends-moi, yeah. Ta grâce simplement me suffit. À toi, Seigneur, je me confie. Je serai là. Attends-moi. Attends-moi dans le lieu secret. Oh. dans de lieux secrets. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Le silence s'installe enfin. Maintenant je me sens bien. Car désormais je veux te rencontrer, te parler. L'intimité peut régner. Maintenant je peux rester. À tes pieds je veux m'approcher et prier. Oui, oui, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Envie de passer une belle journée en famille? Envie de s'amuser? Envie d'un grand moment de convivialité? Envie de participer au financement d'un lieu de culte? Envie de repartir avec des lots gratifiants? Envie de retrouver des bien-aimés que tu n'as pas vus depuis longtemps? Rendez-vous lundi 14 juillet sur la place de la Liberté au Moule. Les Assemblées de Dieu du secteur Moule, Sainte-Anne, Saint-François vous invitent à leur grande kermesse annuelle. Sur place, il y aura de l'animation dynamique, des jeux avec de nombreux lots à gagner, foire culinaire, foire artisanale, friperie, vide-grenier, vente de plantes ornementales et médicinales. Et nous terminons la journée par un concert gospel. Venez nombreux. Venez nombreux. Rendez-vous lundi 14 juillet à partir de 8h sur la place de la Liberté au Moule. Et pardon, causé. Moi, je souhaite une station 101.4 Radio Souffle de Vie. D'apprécier l'évangile matin, midi et même les soirs. Moi dis moi saisi parce que sous RSV, ben elle a bon toute la journée. Les larmes te viennent, que de tristesse, et tu t'en quand tes fardeaux sont trop lourds et que la nuit tu te sens seul, le Seigneur va te relever. Si tu viens à ses pieds quand ton univers s'écroule, que ton âme s'effondre, Dieu voit ton cœur se déchirer. Alors viens à ses pieds. Parfois le meilleur vient frapper à ta porte. Tu te demandes quand tes fardeaux sont trop lourds